Parler pour rien gros, ma voix sonne comme un. Ton meilleur pote ta banane, Asbot, laisse parler les. Et tu peux sortir la cala, je vois la mort en face sans entendre les. Et les 9 milli discutent entre eux, font du bruit, j'entends les. Et tête à tête, c'est fini, crissement de pneus. Et tête à tête, c'est fini, pchut, plus d'extinte que des. Chalade, F.A. babe, j'attends la symphonie des. J'suis condamné à régner, Waté qu'à la coude. Jusque devant ma porte, ces fils de pute font parler le. Tôt ou tard et le perron, n'oublie rien sur la tête de mon. Plus le temps de parler pour rien, douce mélodie, t'es allé. Sors de boîte, pété, bitch, écarte les cuisses que je rentre mon. On cartonne comme Ayrton, donc tous ces rages, je veux nous. Vont niquer leur daronne comme Nicky Larson, ça se réglo. Quand l'heure de la vengeance sonne, entends les horloges chanter. Ton buzz n'est plus dans l'air du temps, je vois ta carrière étranglée. Attaque soviétique, négro, j'ai le flow à Staline. Pour éteindre une embrouille, négro, va falloir que t'allumes. Comme des bassos dans un chargeur, toute ton équipe en la ligne. C'est l'histoire d'un bazooka qui voulait viser la lune. Sur un clic-clac, t'as surpris Tahlel, ça finit en boucherie. Les balles se perdent, les corps se trouvent, pas de témoins, pas de soucis. La poésie des glocks, les vieilles histoires finissant. On t'allume pour une clope, dans le tabac, ça finit en. Mon prof, c'est Yuri Orlov, si le savoir est une arme. Tous les tirs sont cadrés, normal ici c'est Paname. Un Glock dans la bouche et les chargeurs bégayent. Un corps sur la touche et on part en YZ. La chaleur de la vengeance, la froideur du métal. Quand un gars tire en l'air, y'a pas que Bolt qui t'écale. Ce soir le rap français finit noyé dans la scène. J'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé que j'avais leur SACEM. Un son pas de fat comme Lucas Niki. Exophonie bang bang, vas-y sors le liquide. Transaction illicite, mon équipe rapplique. On gère le bis en piste de paye au carré vip. Nous c'est les R, c'est quoi ton équipe? Cette année j'prends le titre et la Champions League. Flotte à mes léons, sur l'instru je m'adapte. La voix qui est le cri, puis j'provoque des high cardiaques. Arnaque, arnaque, oui j'vais la mettre. Glocké, chargé, vis dans la tête. Que personne m'arrête, on m'a dit tout cramé sur le CDC. CDC. Depuis tout petit, j'suis requin dans cette piscine d'MC. MC, savent comment j'rappe, comment j'trappe, comment j'dream. Salut et tout, c'est le prince de la ville. De cette zéro, tout qui fait l'industrie en tournée dans tous les ghettos. J'ai fait du chemin depuis la compil face B. Demande à Bison, j'tabasse le rap, mais négro pense mal. On a fini à l'hôpital. On a plaidé coupable. Violence et réunion, on a plaidé coupable. J'sors de l'école de la rue et par nous, t'es le sang. J'suis devenu un pêcheur en mordant à l'hameçon. Je veux plus tourner en rond, j'en fais sur le terrain. Young neg, pense comme un ancien. Mes potes m'ont dit, Sartek, tu kicks, tu veux rappeur et ta bibi. Tu veux rappeur et ta bibi. Les keufs t'écoutent même sur Facebook, hit like, hit tweet, tu connais la suite. Tu connais la suite, grosse commission, perquisition, billet d'avion, on prend la fuite.